Bien. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux comme d'habitude. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Angéline Escaffré-Dublé. Donc pour vous la présenter, donc le titre de la présentation, c'est la question de la laïcité dans les mobilisations pour la défense des musulmans, une spécificité française. Donc on aura un petit peu un regard comparatif et voilà, elle vous présentera longuement le projet et l'enquête de terrain qu'elle a faite pour ce projet. Donc elle est chercheuse, aujourd'hui post-doctorante à l'INED. Et elle a fait sa thèse sur les politiques culturelles en direction des immigrés à l'IEP de Paris. Et ensuite, en postdoctorat, elle a travaillé sur plusieurs projets de recherche. Un projet européen sur le multiculturalisme en Europe. Le projet Théo, qu'on ne présente plus, trajectoire et origine, avec l'INED. Et le projet Accept Pluralisme, qui est donc l'enquête qu'elle va nous présenter là. Donc c'est une enquête de 2 ans au sein d'un gros projet européen où il y avait 15 équipes de recherche dans 15 pays différents, donc avec des perspectives comparatives sur les questions d'école, de laïcité, de tolérance. Enfin bon, tout ça a été discuté dans les 15 équipes et donc le rapport est rendu. Et ce projet était sous la coordination de Anna Triandafilidou de l'Institut universitaire de Florence. Ensuite, il y avait une équipe de Grande-Bretagne, notamment avec Tariq Moudout, dont on a souvent parlé dans ce séminaire. Et donc voilà, là, c'est une présentation sur les recherches et le cas français sur la diversité culturelle et religieuse et la tolérance dans la vie politique française. Donc voilà, je te laisse la parole et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Alors, Angéline, excuse-moi, je voulais juste aussi, pour compléter, excuser Abdelali Hadjat, qui est souffrant aujourd'hui et qui n'est pas parmi nous, comme vous pouvez vous en rendre compte. Voilà, c'était la page People, voilà, pour prendre. Bon, merci beaucoup. Alors moi, je voulais à mon tour de faire des remerciements. Je suis très heureuse de pouvoir présenter ce travail dans ce séminaire. Donc, j'ai essayé de suivre quelques séances parce que je trouve l'idée de travailler sur l'islamophobie du point de vue de la construction d'un problème musulman extrêmement stimulante. Donc je suis très contente de pouvoir essayer de discuter avec vous cette question à travers ces recherches. Donc je vais dans un premier temps vous présenter avec un peu plus de détails le projet dans le cadre duquel j'ai mené l'enquête sur les mobilisations et la question de la laïcité, parce que c'est un projet qui a la particularité d'essayer d'articuler une réflexion conceptuelle sur le multiculturalisme et sur la notion de tolérance avec une partie de recherche empirique. Donc je vais essayer d'un peu clarifier ça. Dans une deuxième partie, je vous présenterai la recherche réalisée sur le cas français qui approfondit plus particulièrement la question de la laïcité. Dans une troisième partie, je dresserai quelques perspectives comparatives, en particulier avec le Royaume-Uni, puisque dans ce projet, il y avait 15 pays. Mais c'est vrai qu'on a souvent conduit des analyses particulièrement comparatives sur le cas français et britannique. Et donc, dans ma présentation, j'essaierai de démontrer que le concept de laïcité participe de la construction du problème musulman en France, qu'il est un concept qu'on peut étudier, qui peut être assez pivot pour comprendre la construction de ce problème, mais qu'en même temps, lorsqu'on analyse les registres de revendications des acteurs, lorsqu'on va un peu plus derrière ce qu'il y a la référence à la laïcité, on peut situer ces revendications dans un contexte un peu plus large de ce que je vais appeler une redéfinition des valeurs de tolérance, notamment autour de la question du libéralisme dans nos sociétés contemporaines et post-migratoires. C'est le vocable qu'on a utilisé pour désigner des sociétés qui ne sont pas la première vague de migration, comme la France ou le Royaume-Uni. Alors, d'abord, la présentation du projet qui s'appelait donc « Accept Pluralisme ». Donc c'est le sigle du projet. C'est un projet, on appelle ça un projet collaboratif de recherche. Il a été financé par la Commission européenne. Et la manière dont ça fonctionne, c'est que une équipe de quelques chercheurs, un peu un noyau de chercheurs, donc effectivement par exemple la coordinatrice du projet Anna Triondafilidou, mais aussi Tariq Modoud et encore deux, trois, Veit Bader à l'université d'Amsterdam et Per Mauritsen à l'université de Aarhus au Danemark, ont soumis un projet, une proposition pour répondre à une question qui était la Commission européenne souhaitait réfléchir à la notion de tolérance. Alors la notion de tolérance, c'est pas forcément une notion qui est... qui a toujours très... À la fois, c'est un concept philosophique, à la fois, ça n'a pas toujours très bonne presse dans les parmi les chercheurs qui travaillent sur l'ethnicité, parce qu'au fond, dire qu'on voudrait tolérer l'ethnicité, les groupes ethniques, c'est pas forcément très positif, c'est un peu continuer à faire ce que vous avez à faire. Donc, ils ont construit une réponse un petit peu plus fine et complexe à cet appel à projet sur la tolérance. Donc, le projet réunissait 15 pays. Il arrive à la fin, parce que c'était un projet qui s'est déroulé de mars 2010 à mars 2013. Donc, le mois prochain, il arrive à sa fin. Et donc, il réunissait à la fois des pays d'Europe de l'Ouest, donc il y avait la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, aussi d'Europe du Nord, avec le Danemark, la Suède, aussi d'Europe du Sud, avec l'Espagne, l'Italie, la Grèce, d'Europe de l'Est, avec la Roumanie, la Hongrie, et, la Pologne, et aussi un pays en demande d'accession, la Turquie. Donc, pour répondre à cette... pour approfondir cette notion de tolérance dans l'Europe du XXIe siècle, d'abord, l'équipe a commencé à lier cette réflexion sur le concept de tolérance avec une question plus large en politique qui est la question de la représentation des groupes. Parce que, donc... Tariq Modoud, qui est un théoricien du multiculturalisme, a beaucoup travaillé, a beaucoup publié sur la question du multiculturalisme, mais sa réflexion s'inscrit plus largement dans ce qu'on appelle donc les politiques de la reconnaissance. Là, je fais référence, par exemple, aux travaux de Charles Taylor, alors ne pas confondre avec le leader politique du Sierra Leone, mais qui est bien un philosophe canadien basé à Montréal, qui a publié en 1992 un ouvrage qui s'appelait « The Politics of Recognition ». Et donc c'est un philosophe du politique. Et l'idée, c'est que le bon fonctionnement d'une société est garanti par la représentation égale des groupes dans l'univers politique. Donc c'est une théorie qui s'accorde particulièrement au contexte canadien, à des pays qui ont fait finalement le choix politique d'avoir des politiques du multiculturalisme. C'est également le cas en Grande-Bretagne. Et vous l'aurez peut-être compris, c'est assez loin de la conception française de la représentation des intérêts des groupes, puisque en France, on privilégie un rapport direct entre le citoyen et l'État. Et l'idée que les intérêts des groupes peuvent être représentés est considérée plus largement comme allant à l'encontre du processus démocratique. Donc voilà, c'est pour résumer en quelques termes dans quel, à la fois quel cadre idéologique, mais aussi théorique on se situe lorsqu'on réfléchit à ces questions. Et donc dans le cadre de ce projet et d'une réflexion sur la tolérance, d'emblée, il a été décidé de lier la réflexion au concept de tolérance à un ouvrage d'une chercheuse en théorie politique italienne qui s'appelle Anna Elisabetta Galeotti, et qui a publié en 2002 « Tolerance as Recognition », donc là vous avez le terme « tolérance » et le terme « cognition » dans le même titre, où là, elle explique que finalement, la question, c'est pas tellement de savoir si on est d'accord avec les pratiques des uns ou des autres, dans nos sociétés contemporaines, hein, l'idée c'est de répondre aux enjeux qui se posent à nous, mais plutôt de savoir si on leur donne une représentation égale, si on leur donne le même pouvoir qu'aux autres, en vertu du type de pratique qu'ils peuvent avoir. Donc là, on voit bien le lien qui est créé entre le concept de tolérance et le concept très concret de à qui on donne le pouvoir, à qui on laisse l'expression dans la sphère politique. Donc ça, c'est pour l'aspect conceptuel qui, j'essaierai de vous montrer, nous sert à répondre à la question de la construction du problème musulman. J'espère que j'arriverai à bien vous démontrer cela. Et alors, l'idée, c'est que tout au long de ce projet, on s'est interrogé, pas tellement de savoir si les groupes étaient d'accord avec les pratiques des hommes, mais plutôt si les groupes sont considérés à l'égal et on leur donne le même pouvoir. Alors, on est parti d'une définition minimale de la tolérance, qui est assez simple. C'est X, Y a une pratique que X désapprouve. X a le pouvoir de dire à Y de s'arrêter, mais X ne le fait pas. Donc il désapprouve sa pratique, mais il ne l'empêche pas de la mettre en œuvre. Ça, c'est vraiment une définition très minimale de la tolérance. L'idéal pour qu'une société fonctionne, c'est que X n'éprouve même pas le besoin de désapprouver la pratique de Y. X accepte et considère à égal sa pratique. Donc on est parti de ce cadre très simple pour analyser tout un ensemble de pratiques. Et alors, on est surtout eu l'idée de regarder la tolérance dans différentes directions. C'est-à-dire qu'à la fois, on pouvait se poser la question des populations majoritaires qui ne tolèrent pas les pratiques culturelles des populations minoritaires, des pratiques religieuses en particulier. Donc là, l'exemple qui est en général régulièrement donné, c'est le fait que dans les écoles françaises, on interdise le voile. Donc là, la pratique, quelle que soit la justification qui est donnée, hein, évidemment, mais la pratique donc est désapprouvée et empêcher. Mais la question de la tolérance, ça pouvait se situer à d'autres endroits, et notamment la question des populations majoritaires qui considèrent qu'une population minoritaire a une pratique intolérante et pour cette raison décide de l'en empêcher. Alors là, l'exemple qui a été notamment développé à partir de certains cas pour le Danemark, c'est lorsque des meetings sont organisés par des personnalités qui s'affichent comme qui sont considérées comme proférant des discours intolérants vis-à-vis des homosexuels ou vis-à-vis des femmes. Donc il y a eu la visite d'un prêcheur qui s'appelle Bilal Phillips au Danemark, et la question s'est posée de savoir si on l'empêchait de parler parce que son discours était intolérant vis-à-vis d'un certain nombre de notions. Donc là, la question, c'est d'avoir où se situe la frontière entre tolérance et intolérance. Donc en analysant ces situations, on peut essayer de comprendre comment le concept de tolérance se lit dans la société, interagit et comment il évolue aussi. Parce que une des questions de la Commission européenne, c'était de dire est-ce que les sociétés sont plus ou moins tolérantes aujourd'hui ? Évidemment, quand on s'est penché, ça apparaît évidemment bien plus complexe. On ne peut pas avoir une échelle et dire sur une échelle de 1 à 9, nous arrivons au niveau 4. Non, ce qu'on a constaté, c'est que les définitions de ce qu'on tolère et ce qu'on ne tolère pas varie. Et en particulier, le projet a permis de préciser ce qu'un des chercheurs appelle ce qu'on pourrait appeler l'intolérance libérale. Alors, libérale, ça peut avoir des fois une connotation un peu. Dans le contexte français, ça a souvent une connotation économique. Bon, ce n'est pas le cas dans le registre anglo-saxon. Libérale au sens de qui se fonde sur les libertés. Et donc l'idée, c'est de montrer qu'il y a une forme d'intolérance qui se fonde sur l'idée que, à partir de valeurs libérales, on justifie des pratiques intolérantes. Le résultat de cette réflexion, il va être publié dans un ouvrage qui a été donc rédigé par les membres du projet qui s'appellera « Tolerance, Intolerance and Respect, Hard to Accept », qui va être publié en juin 2013, où il y a un chapitre qui explique cette notion d'intolérance libérale. Alors, pour construire un objet d'étude pour répondre à ce questionnement. D'abord, chacun de nous, chacune de nos équipes, nous sommes d'abord penchés sur d'abord analyser les discours politiques et médiatiques pour voir quel était le type de diversité culturelle et religieuse qui apparaissait comme problématique, qui revenait, sur lesquelles on pouvait voir se développer un discours « on ne peut pas tolérer ça » ou « il faut être plus tolérant vis-à-vis de ça ». Donc les formes de pratiques qui sont construites comme problématiques. Ce n'est pas forcément un constat de notre part de dire qu'elles sont problématiques, mais elles sont en tout cas construites comme telles par le discours. Alors, selon les pays, ça n'a pas forcément été les mêmes populations, hein, notamment comme dans le projet, il y avait un certain nombre de pays d'Europe de l'Est. Là, c'est beaucoup d'études ont plutôt porté sur les populations roms, par exemple. Mais c'est vrai que pour le Royaume-Uni et la France, on a choisi d'analyser la réponse des politiques à la question de l'islam et aux revendications des musulmans. Et donc, c'est comme ça qu'on touche un petit peu plus précisément à la question de la construction d'un problème musulman. Avec l'idée que la présence, la diversité religieuse qui est liée à l'islam est construite comme problématique. Alors, on avait deux cas d'études, un sur l'école et un sur la vie politique. Donc, je vais plutôt parler du cas d'études sur la vie politique en France. Donc j'en arrive au deuxième point sur la recherche pour le cas français et donc comment on en est venu à travailler sur plus particulièrement la question de la laïcité. Alors d'abord parce qu'en réalisant ce premier tour d'horizon sur la diversité des pratiques culturelles et religieuses comme elles étaient présentées dans le discours, la centralité de ce concept est arrivée assez vite. Alors d'abord parce que la laïcité, c'est un principe juridique hein, qui est ancré dans la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État, et que c'est un principe aussi libéral, aussi, au sens où il garantit les libertés, et notamment la liberté de croire, mais aussi de ne pas croire, la liberté de conscience. Ce qui est particulier, dans l'ensemble des travaux qu'on a produits, qui sont écrits en anglais, on a gardé le terme de laïcité en français, parce que sinon, on peut traduire par sécularisme, mais l'idée, c'est quand même qu'il y a une compréhension du sécularisme en France qui est spécifique, et notamment qui est fondée sur l'invisibilité des convictions religieuses dans l'espace public. Donc, pour certains pays, la garantie de neutralité dans l'espace public, elle est garantie par l'égale représentation des religions. C'est le cas, par exemple, en Allemagne, où je crois qu'on déclare à quelle religion on appartient ou à laquelle on n'appartient pas, et je crois qu'il y a une contribution, par exemple, dans les impôts qui est donnée. Bon, ça, c'est l'idée qu'on est, en fonction de la proportion des gens, les religions sont également représentées. Or, dans le contexte français, c'est pas cette manière de comprendre la neutralité, c'est la neutralité par l'invisibilité. Ça rejoint un peu ce que j'ai expliqué au début quand je parlais des politiques de la reconnaissance. En France, on n'est pas dans un contexte où on reconnaît les intérêts des groupes. Donc il y a une forme de processus d'invisibilisation des appartenances qu'il est important de souligner, qui constitue aussi une difficulté méthodologique dans la construction d'un objet comparable. Et dans les discussions avec mes collègues, par exemple, systématiquement, ils me mettaient « Ah ben alors en France, c'est intolérant parce qu'on ne représente pas les religions. » Je disais « Mais non, mais vous ne pouvez pas juste le dire comme ça. On pense garantir la tolérance en invisibilisant les religions. Donc on ne peut pas nécessairement, parce qu'on les supprime, dire que c'est un signe intolérant. Enfin, vous voyez que ça pose un certain nombre de questions. Donc la laïcité, donc un principe juridique auquel on fait référence lorsque la loi de 2004 est passée, qui interdit le port des signes religieux ostentatoires à l'école. Mais la laïcité, donc elle a donc différents usages. Hein. Pour l'analyse, il est nécessaire de distinguer ces usages. Elle est aussi utilisée dans le discours politique et médiatique systématiquement lorsqu'il s'agit de l'islam. Donc ça, c'est assez caractéristique lorsqu'on fait une revue de presse, hein, tout simplement, où on retrace les travaux, parce que la question de la laïcité, elle émerge pas avec la première affaire du voile de 1989. Hein. C'est évidemment une question fondamentale dans le jeu politique français depuis le 19e siècle. Mais c'est vraiment à partir de la première affaire du voile de 89 et surtout à la fin des années 90 et début des années 2000, avec le passage de la loi de 2004, que le terme de laïcité est systématiquement lié à l'islam. Si bien qu'on pourrait dire que parler de la laïcité, c'est comme un proxy pour parler de l'islam dans un contexte français où, comme je le disais, il y a une forme d'invisibilisation des convictions religieuses dans le discours politique. Et pour donner un exemple très concret, lorsque nous avons conduit cette recherche, alors il y avait eu une première session de débat organisée par le gouvernement en 2010 sur l'identité nationale qui avait eu lieu, dans les préfectures en France. Et l'année qui a suivi, le même ministère de l'Intérieur a décidé d'avoir encore un autre débat, d'organiser encore un autre débat. Au départ, ça devait être un débat sur l'islam. Et assez rapidement, le terme a changé et c'est devenu un débat sur la laïcité. Donc ça a été annoncé à l'automne 2010, mais peut-être janvier 2011. Finalement, ça a été assez contesté et ça n'a pas du tout pris la forme qu'avait pris le débat sur l'identité nationale. Mais au final, ça a été une journée de colloque organisée en avril 2011 au ministère de l'Intérieur. Et donc ça, c'est pour vous montrer que ce lien parler de l'islam à travers la laïcité est, pour ainsi dire, acté et assez représenté dans cet exemple de donner un titre à ce débat, débat entre guillemets, puisque c'était l'idée d'organiser un débat. Alors, et dans cet usage politique et médiatique de la laïcité, on peut discerner à certains moments un usage intolérant de la valeur, mais qu'on doit donc distinguer, cet usage intolérant du principe juridique en tant que tel, qui est fondé sur l'idée de la garantie de la tolérance. Donc ça, c'est pour distinguer ces deux aspects. Et donc c'est là qu'on voit bien que la laïcité, donc, elle participe la construction du problème, de l'idée que l'islam est un problème. Et elle participe bien de ce que j'évoquais dans ma présentation de l'ensemble du projet, de cette idée d'intolérance libérale, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur une valeur reconnue comme libérale, la laïcité, qui protège la liberté de conscience, pour justifier, à certains moments, évidemment, c'est pas quelque chose qu'on peut généraliser, mais pour justifier dans certains cas, un discours intolérant, c'est-à-dire la stigmatisation de pratiques religieuses ou la stigmatisation de populations identifiées comme musulmanes. Mais, et c'est le troisième usage que je distinguerai de la laïcité, après l'usage juridique, l'usage politico-médiatique, la laïcité apparaît aussi comme un registre de mobilisation, et donc par une forme de retournement de stigmate, pour ainsi dire, les groupes qui sont visés par un usage intolérant de la laïcité reprennent ce concept pour revendiquer son usage tolérant et demander à être traité avec égalité, à ne pas être discriminé dans l'espace public. Donc là, j'en arrive un petit peu plus à la recherche empirique qui a été menée sur les mobilisations et avec l'idée d'observer le recours au registre de la laïcité dans ces mobilisations. Donc comme je disais, pendant qu'on réalisait cette recherche, il y a eu donc cette annonce d'un débat sur la laïcité. Et en avril 2011, quand cette journée au ministère de l'Intérieur devait se tenir, il y a eu une mobilisation, puis une manifestation à laquelle je suis allée, de groupes qui ont protesté contre la tenue de ce débat. Donc c'était contre le débat de la honte. C'était à l'appel du journal Respect Mag. Et il y avait un ensemble d'organisations. Et donc j'ai commencé par me demander qui se range derrière une bannière où il y a écrit laïcité dessus. Finalement, aujourd'hui, qui se mobilise pour revendiquer un autre usage de la laïcité. Donc ça, c'était en avril 2011. Et plus tard, j'ai participé à un meeting, où je me suis rendue à un meeting en février 2012, qui était lié... Alors, pour vous rappeler, il y a eu... régulièrement, il y avait des éléments où vous voyez que la laïcité était utilisée à l'encontre des pratiques ou des populations musulmanes. Mais alors, en particulier, il y avait eu le cas, déjà au printemps 2011, de mères d'élèves qui voulaient accompagner leurs enfants dans des sorties scolaires à qui certaines écoles de Montreuil les avaient empêchées. Et ensuite, ce qu'il y a eu en janvier 2012, donc d'où le meeting de février 2012, c'était cette proposition de loi pour empêcher les aides maternelles, leur enlever l'agrément lorsqu'elles portaient le voile, bon, sachant qu'évidemment, quand elles gardent des enfants chez elles, elles ne le portent pas, mais en leur faisant venir récupérer l'agrément dans un endroit public, on voyait qu'elles portaient le voile. Enfin, c'était autour de ces éléments-là qu'il y avait des mobilisations. Et à ce meeting, je me suis aperçue que le registre de laïcité était effectivement repris par les acteurs qui donc se mobilisaient et contestaient cette proposition de loi. Donc, par exemple, une membre du collectif féministe pour l'égalité a dit « La laïcité, c'est devenu, comme dire, pas de religion, mais la laïcité, c'est pas ça ». Ensuite, une membre du groupe antiraciste Les Indivisibles a dit « Il faut s'approprier le principe de laïcité comme un principe d'égalité ». Donc on voit bien la référence au concept de laïcité selon le principe de garantie de la tolérance. Et un membre de la Ligue des droits de l'homme dit « Finalement, la laïcité, elle sert de cache-sexe à une société qui ne veut pas l'islam ». Donc devant ce recours systématique à la notion de laïcité, j'ai donc décidé de rencontrer les acteurs qui le portaient pour faire une analyse de ce discours. Donc, l'idée, c'était d'analyser leur discours du point de vue des registres d'explication. C'est-à-dire que je ne donnais pas une définition initiale, c'est-à-dire que ce que je vous dis là, je ne l'expliquais pas dans l'entretien, la laïcité comme registre, comme catégorie juridique, la laïcité utilisée par discours politique. Au contraire, je laissais le concept ouvert à la discussion pour observer dans quel contexte mes interlocuteurs le mobilisaient, avec quels objectifs ils le sollicitaient. Et... je pouvais me dire, est-ce qu'ils vont m'en parler pour dire que c'est pour préserver la liberté religieuse, pour revendiquer des droits égaux pour les musulmans, pour revendiquer une égalité de traitement. Enfin, il y avait plusieurs possibilités qui s'ouvraient. Et donc, c'était laissé assez ouvert. Et à un moment, dans les entretiens, je disais à chaque personne, la laïcité, pour vous, est-ce que c'est une valeur plutôt traditionnelle, plutôt libérale, plutôt nationale ? Aucune de ces réponses nécessairement correcte, hein, mais c'était pour voir ce qui dominait dans leur perception de cette notion. Alors, pour sélectionner les personnes que j'ai rencontrées, je suis partie donc, des mobilisations qui avaient lieu au moment où je devais mener cette enquête. Bon, c'est assez contraint, la conduite d'un projet européen. J'avais pas, donc là, ça va être un peu le moment « faites ce que je dis et pas ce que je fais ». Parce que si pour une enquête de master et surtout de thèse, il faudrait rentrer plus dans les détails. Mais bon, ça permet quand même d'avoir quelques idées. Donc j'ai assisté à cette mobilisation. J'ai pris les signataires du tract. Je les ai contactés, ils ne m'ont pas tous répondu. Et après, je me suis concentrée à ceux que j'avais vus prendre la parole, en fait, à ce meeting. Et d'ailleurs, entre les signataires du tract et le meeting, s'était rajoutée la Ligue des droits de l'homme. Et donc, j'ai conduit 7 entretiens auprès de 6 associations différentes. Donc, oui, c'est pas beaucoup, mais bon, on s'aperçoit aussi que c'est un petit milieu, qu'il y a des militants qui se connaissent, qui reviennent, qui sont dans différentes associations. Donc, finalement, ça permet quand même d'avoir une idée un petit peu de ce qui se passe. Et donc, j'ai rencontré Maman Toutes Égales, le Comité contre l'islamophobie en France, la Coordination contre le racisme et l'islamophobie, la Ligue des droits de l'homme, Participation musulmane et spiritualité, et un groupe qui s'appelle Les mots sont importants. Alors, pour l'éthique du projet, j'étais censée anonymiser les noms des gens. Enfin, on avait une charte à respecter. Donc, du coup, j'ai pris l'habitude de pas forcément dire qui m'a dit quoi. Donc, voilà, je vais continuer sur ce mode. Donc, alors déjà, dans un premier temps, les associations qui se dégagent de ces mobilisations, elles offrent déjà une première réponse à la question « Pourquoi avoir recours au registre de laïcité pour défendre les intérêts des musulmans ?» C'est que dans un premier temps, ça permet de se faire des alliés. Parce que lorsqu'on regarde ces associations, il y a deux types qui se distinguent. C'est-à-dire que d'un côté, on a des mobilisations de groupes historiques sur les questions de laïcité, comme la Ligue des droits de l'homme, qui a été créée au XIXe siècle et qui s'est historiquement toujours engagée sur cette question, sachant qu'au sein de la Ligue des droits de l'homme, ils n'ont pas tous forcément la même position sur la question de la laïcité. Mais bon, j'ai rencontré deux personnes qui étaient dans la commission laïcité de la Ligue. Et puis, on a d'autres mobilisations plus récentes qui sont en soi héritées des mouvements antiracistes des années 80, parce que les deux comités contre l'islamophobie, dans les gens qui les ont créés, sont des gens qui ont milité soit depuis longtemps, soit dans des associations socioculturelles, donc ça se rattache plus à ces associations, soit des associations plus récentes qui s'étaient mobilisées autour de la loi, pour être contre la loi, le passage de la loi de 2004 contre le port du voile à l'école, comme le collectif féministe pour l'égalité, où les mots sont importants. Donc, c'est un peu schématique, cette première distinction, mais ça permet quand même de voir une chose intéressante, c'est cette stratégie d'alliance entre majorité, enfin, éléments de la population majoritaire, organisations plus traditionnelles, plus installées, comme la Ligue des droits de l'homme, et puis groupes plus minoritaires. Donc un premier élément de réponse, c'est que ça permet de se faire, utiliser le registre de la laïcité, ça permet de se faire entendre dans le contexte français. Donc ça, c'est un élément qui rejoint toute une littérature, en fait, dans les mouvements sociaux, qui est l'idée qu'on s'adapte à la structure d'opportunités politiques, qui a particulièrement été développée pour ce qui concerne les associations immigrées en France. Il y a un spécialiste des mobilisations, Patrick Ireland, qui avait écrit en 1994 déjà un ouvrage sur les groupes immigrés. Il avait comparé la France et la Suisse. Et il avait développé le concept qui a été repris souvent par la suite de l'institutional channeling. Donc c'est l'idée que l'institution finalement oriente, enfin channel, elle formate finalement, enfin oui, elle oriente la manière dont les associations immigrées vont répondre. Et un peu dans la même veine, donc Riva Castoriano, avec qui je travaillais sur ce projet, a écrit un ouvrage dans les années 2000 sur la négociation des identités, où elle dit aussi que, certes, l'identité ethnique n'a pas droit de cité en France, mais les associations s'adaptent à ces catégories et finalement arrivent à négocier une identité. Donc l'idée, c'est que, certes, la revendication est fortement conditionnée. Certes, quand on adopte le registre de la laïcité, on est quand même conditionné par ce registre-là, mais on a quand même une marge de négociation. Et c'est ça qu'on va explorer un petit peu plus avant. Donc, en analysant les entretiens avec les acteurs, bon, d'abord, on s'aperçoit quand même assez vite que les personnes, notamment qui s'identifient comme musulmanes dans ces mobilisations, ont un rapport qui est ambigu à la laïcité. Et on le comprend bien, pour un membre de la LDH qui intervenait souvent dans des groupes à Roubaix, me dit, pour les gens que je rencontre, la laïcité, ça représente quand même un mot piège. Un mot, ils ont l'impression que c'est un mot avec lequel on les stigmatise. Donc ça, ça répond bien à ce qu'on avait observé dans l'usage intolérant de la laïcité dans le discours politique et médiatique. Mais en même temps, il y a aussi un militant qui me dit, au début, la laïcité, je croyais que c'était quelque chose d'anti-religieux, et puis j'ai compris que c'était quelque chose à préserver, qui préservait la liberté de conscience. Et donc là, il faut distinguer aussi la parole des militants, donc qui ont milité depuis longtemps sur ces questions, qui ont affiné leur compréhension du principe de la laïcité, parce que c'est quand même un concept philosophique assez complexe et aussi assez malmené par les médias. Donc il faut distinguer cette parole militante après d'un ensemble de gens qui, par ailleurs, peuvent être membres d'associations. Donc c'est ce que me disait une militante de présence et spiritualité musulmane, en me disant « Moi, ça fait longtemps que je milite sur ces questions. Donc quand je vais à des réunions de l'association, je vois bien que les gens sont pas toujours d'accord à l'accepter. » En faisant référence aussi à comment la laïcité est utilisée dans les pays, soit du Maghreb, soit de la Turquie, non plutôt du Maghreb, c'était la référence, c'était les pays du Maghreb, où là, il y avait cette construction d'une laïcité qui était anti-religion. C'était la référence qui était faite. Donc un rapport ambigu à la laïcité. Et en même temps, s'appuyer sur le registre de la laïcité, c'est aussi s'appuyer sur le droit et montrer que la revendication qu'on a s'inscrit dans une certaine normalité. Alors ça, c'est notamment ce qui est ressorti d'initiatives comme de mon entretien avec l'initiative comme le Comité contre l'islamophobie en France. Le collectif, j'ai dit comité ? Pardon, collectif. Non, c'est parce que j'ai pas écrit le collectif contre l'islamophobie en France. Donc là, de cet entretien, donc le fait qu'il y ait une assistance juridique en ligne qui est prévue, l'idée c'est donc de s'inscrire, de montrer qu'en fait, la raison pour laquelle on se mobilise, c'est parce qu'on est protégé par le droit et c'est pas une revendication spécifique. Ça, c'est quelque chose, je vais y revenir un petit peu après, qui se retrouve dans le contexte britannique. C'est l'idée de devoir contourner l'idée que dès que des musulmans se mobilisent, ce serait spécifique, mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Donc, en se fondant sur le droit, on montre qu'on remplit certains, en anglais, ils appellent ça les standards of reasonableness. Voilà, on est raisonnable, on reste raisonnable, on reste dans une certaine normalité. Donc, il y a une stratégie aussi de ce point de vue-là. Et enfin, en s'appuyant sur le droit et en formulant une revendication qui est une contestation des discriminations, on crée aussi une situation de conscientisation. Alors, par conscientisation, c'est l'idée que on va pas toucher seulement les personnes, on va créer, enfin voilà, on va lever les consciences, et surtout, on va pas toucher juste les personnes qui finalement voudraient pouvoir avoir des pratiques religieuses, avoir des relations spécifiques liées à la pratique religieuse, mais qu'on va plutôt toucher toutes les personnes qui finalement peuvent être identifiées comme musulmanes à un moment ou à un autre, soit qu'elles le reconnaissent ou pas, qu'elles peuvent être discriminées. Et en fait, d'abord, on touche un nombre plus important de personnes, mais surtout, c'est l'idée de créer une identité politique. Et non pas juste une question de conviction religieuse. Et ça, cette question, elle est très importante pour, en particulier dans le contexte britannique. Bon, je ne sais pas si on peut, dans la mesure où dans le contexte français, on n'est pas dans une question de représentation des groupes, c'est peut-être un peu délicat. Mais en tout cas, en mettant le doigt sur la discrimination, il y a aussi l'idée qu'on va, faire appel à une plus grande... adhésion au combat. Donc, par un effet de retour, finalement, les victimes sont poussées à se mobiliser sur ce critère d'appartenance. Et bon, là où je voulais un petit peu en venir, c'est l'idée que, finalement, la construction du problème de l'islam, elle crée en retour les conditions d'une possibilité de réponse organisée. C'est-à-dire que... quelle que soit l'intensité de la stigmatisation, de la problématisation, il y a une réponse possible. Finalement, ce que nous révèle l'utilisation du registre de la laïcité, c'est que se négocie une identité des musulmans en France qui doivent se positionner vis-à-vis de la laïcité, mais qui néanmoins peuvent ou ne marchent des négociations de leur identité. Alors voilà, ça c'était un petit peu ce que l'utilisation du registre de la laïcité me paraît permettre d'avancer vis-à-vis de la question qu'on se posait. Je vais maintenant vous montrer que répondre finalement à la pression de s'adapter à une norme, ce qu'on peut dire que ce qui un peu ressort de cette mobilisation, elle n'est pas l'exclusivité des musulmans en France, mais c'est également le cas au Royaume-Uni. Et donc là, je vais un petit peu vous donner des éléments, une perspective un peu comparative avec la recherche qui a été faite au Royaume-Uni. Donc là, malgré le contexte donc assez différent, où là, la visibilisation des identités religieuses est possible dans le contexte politique, où il existe, enfin en tout cas on peut mesurer un vote musulman, alors c'est aussi... Ça devient aussi le cas en France, mais l'idée, c'est que c'est reconnu comme un enjeu politique et les acteurs du jeu politique qui s'identifient comme musulmans, finalement, même si il y a cette visibilisation possible, ce qu'il faut bien voir, c'est le résultat de leur étude, c'est qu'ils n'en sont pas moins stigmatisés. Qu'en fait, ils sont... autant en France, on pourrait être exposé, être taxé de communautariste, en Grande-Bretagne, même si cette forme d'insulte n'existe pas, l'idée, ce serait qu'ils ne cherchent qu'à défendre des intérêts spécifiques, ce qui est au détriment du bien commun. Et ça, ça ressort des entretiens qui ont été réalisés. C'est assez intéressant quand on a une vision depuis la France de la possibilité de la représentation des intérêts des groupes, de savoir que dans la bouche de certains hommes et femmes politiques, l'idée qu'on puisse défendre des intérêts spécifiques qui aillent à l'encontre du bien commun représente un argument qui leur paraît décrédibiliser la revendication des musulmans. Alors le cas d'étude le plus particulier qui a été réalisé, il a été réalisé autour de la question du vote musulman aux élections nationales de 2010, hein, qui ont élu la Chambre des députés. Alors, en Angleterre, il existe des associations qui défendent les intérêts des musulmans britanniques. Les associations qui ont été rencontrées, c'était le Muslim Council of Britain, le Muslim Public Affairs Committee. Donc ça, c'est des organisations, mais qui ont aussi eu des initiatives plus particulières au moment du vote. Et après, il y a des organisations qui sont spécialisées dans faire voter, encourager au vote, comme l'opération Black Vote, une association qui s'appelle Engage, et l'autre qui s'appelle You Elect Initiative. Or, ces associations, donc, qui pour certaines existent depuis longtemps, elles ont eu à prendre en compte une difficulté particulière dans ces dernières années. Et c'était la difficulté de voir leurs revendications mal comprises, détournées de leur sens par les commentateurs politiques. Donc là, l'équipe britannique autour de Tariq Modoud, mais aussi les personnes qui ont réalisé l'étude, c'est-à-dire Yann Dobermak et Nazar Mer, en particulier Nazar Mer, développent le concept de ce qu'il appelle la misrecognition, c'est-à-dire une reconnaissance erronée de l'autre. Alors, ce n'est pas l'idée qu'on n'est pas reconnu, mais c'est l'idée que... la revendication telle qu'elle est formulée est toujours un peu biaisée de la part des personnes qui sont en face. Donc, spécifiquement, c'est l'idée que les musulmans, lorsqu'ils avancent une revendication dans le contexte britannique, sont assez systématiquement taxés de sectarisme, d'intégrisme. Ah oui, mais ça, cette revendication, elle est intégriste. Et l'idée, c'est que les autres groupes ne sont pas taxés de ce même genre de reproches. Et que face à ça, les organisations doivent composer avec ces biais. Alors, ils distinguent 5 manières d'être reconnues de manière erronée, que je ne vais pas spécifier parce que les nuances sont quand même assez, assez ténues. Mais voilà, c'est cette idée d'être taxé de sectarisme, d'être spécifique, dans un contexte où, normalement, les intérêts spécifiques peuvent être représentés. Donc, pourquoi, lorsqu'il s'agit des musulmans, ce serait en particulier difficile? Et alors, ils ont pris... la question d'un vote massif des musulmans, comme si le vote des musulmans était acquis à un candidat. Alors, parce que ce qui s'est passé, si j'ai bien compris, c'est qu'en 2008 a échoué aux élections le candidat, le maire de Londres libéral, du Labour, du Parti travailliste, qui s'appelle Ken Livingstone. Livingstone. Donc, qui avait été élu en 2000, en 2004, en 2008, il a perdu la mairie. Et Ken Livingstone avait eu un discours particulièrement conciliant envers les minorités. Évidemment, il a perdu, donc toutes les analyses sont bonnes pour justifier un échec. Mais une des choses qui a été dite, c'était « Ah oui, mais c'est parce qu'il s'est présenté comme recueillant tout le vote des musulmans et qu'en fait, le candidat opposé a dit « Ah non, mais avec moi, on ne satisfera pas les intérêts des musulmans ». Donc là, la réponse des associations au moment où il s'agit de mobiliser les troupes 2 ans plus tard pour la campagne de 2010, c'est de dire non, mais il ne faut pas que les gens croient que les musulmans vont voter tous comme un seul homme pour le Labour, parce que ça ne les dessert pas. Donc là, ils se sont lancés dans toute une campagne qui consistait à dire non, mais les musulmans ont des intérêts différents, ils ne votent pas comme des idiots pour le même candidat. Donc ils ont dû... Et c'est un peu cette idée que finalement, ils doivent combattre une idée qui est construite. C'est ça, la misrecognition. C'est ce biais qui est construit. Alors en même temps, ce biais, il n'est pas non plus construit sur rien parce que... c'est un petit peu compliqué, mais c'est intéressant à savoir. En fait, la raison pour laquelle les musulmans sont considérés comme votants pour le Labour Party, c'est une raison historique. C'est qu'en fait, lorsque quand même une grande partie des immigrés venus du Commonwealth sont arrivés dans les années 50, 60, 70, ceux qui venaient d'anciens territoires du Commonwealth avaient la citoyenneté, enfin notamment avaient la possibilité de voter. Donc, quand on venait du Pakistan, du Bangladesh, on pouvait voter. Ce qui n'a pas été le cas en France, par exemple. Une fois l'Algérie indépendante, les Algériens n'ont pas voté aux élections françaises passées 62. Enfin, sauf ceux qui avaient pris la nationalité française. Alors que, en Grande-Bretagne, ça a été le cas. Donc, il y a une socialisation politique de ces groupes-là qui est très ancienne. Et que, dans un premier temps, le seul parti à leur ouvrir, leur rendre la possible la représentation, était le Labour. Donc c'est vrai qu'il y a eu une socialisation politique de ces groupes, plus particulièrement aussi du Labour. Mais, et donc, finalement, il se trouve un peu confronté à ce stéréotype, finalement. Alors que, bon, bah, si on regarde la Chambre des représentants actuellement en Angleterre, il y a des élus musulmans, aussi bien du côté conservateur, oui, conservateur que travailliste, même si, bon, ils restent quand même plus nombreux du côté travailliste. Je n'ai pas les chiffres en tête. Mais... Donc voilà, ça se fonde quand même sur des raisons historiques. Mais l'idée, c'est que... face à un jeu politique rude, les musulmans sont facilement taxés de spécifiques, de clientélisme. Si on obtient le vote des musulmans, c'est parce qu'on leur a promis des intérêts en particulier. Et donc, l'idée, c'est que le travail de ces associations qui défendent les intérêts des musulmans va être de revendiquer une certaine normalité du vote musulman. Dire non, comme notre groupe, c'est un groupe qui est un profil sociodémographique divers avec différentes idéologies. Et donc il doit passer son temps à dire c'est un groupe normal. Donc c'est cette idée de la normalité, rentrer dans la norme, non, ils ne sont pas spéciaux, qui finalement... peut trouver un certain écho avec cette insistance à se situer sur le registre de la laïcité pour le contexte français. C'est-à-dire que pour combattre l'idée qu'il y a une spécificité, une stigmatisation, on doit argumenter et démontrer la normalité, tout ce que ça représente de qu'est-ce que c'est la norme et pourquoi dans la norme on n'inclut pas plus aussi de diversité, évidemment. Donc, j'en arrive à ma conclusion, pour dire que finalement, en se fondant sur des valeurs libérales, au sens de censé garantir des libertés comme la laïcité, ou donc en Angleterre, ce qui est mis en avant, c'est la défense du bien commun, nos sociétés finalement sont capables de justifier des pratiques qui sont intolérantes puisqu'elles ont à voir avec la discrimination, la stigmatisation et qui touchent des groupes qui ainsi sont maintenus en situation minoritaire. J'ai un peu utilisé le terme de minoritaire qu'on a surtout, enfin qui était surtout qui visait surtout à faire référence à une minorité au sens numérique simplement. Du fait que les personnes de confession musulmane sont minoritaires dans le reste de la population française d'un point de vue numérique. Mais là, je voulais insister sur le fait aussi de les garder comme minoritaires dans un sens de rapport de pouvoir. Donc, qui n'ont pas un égal accès à la représentation et à l'expression sur le plan politique. Donc le point positif, c'est de dire que, un peu la conclusion que j'essayais d'avoir à la fin de la présentation du cas français... c'est que la construction d'un problème musulman, elle crée aussi les conditions de la mobilisation, avec cette conscientisation qui peut prendre place. Mais on voit bien que même dans le cas britannique, où cette représentation est plus acquise, eh bien c'est un parcours qui demeure quand même semé d'embûches, puisqu'il faut louvoyer parmi un certain nombre de biais d'interprétation qui apparaissent comme spécifiquement construits en lien avec la thématique du problème musulman. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup d'avoir tenu les temps. C'était absolument parfait. Marwan, tu peux intervenir ou je pose ma question ou... Bah oui. Tu commences ou tu commences comme tu veux. Tu peux... Vas-y, commence. Okay. On se fait des politesses. Donc merci beaucoup, notamment pour cette perspective plus globale. Je trouve que c'est vrai qu'on a été un peu franco-français sur certains débats et on va y retourner quand je ferai ma présentation dans 2 semaines. Donc c'est bien d'avoir un regard un peu plus global, à la fois d'un point de vue géographique, mais aussi d'un point de vue philosophique. Moi, je trouve très intéressant ces réflexions sur la tolérance, la place de l'autre, etc. Je pense que c'est des choses qu'on doit penser et c'est intéressant de les prendre par ce bout-là. Et de les contester quand on nous les impose, parce qu'évidemment, c'est des concepts qui circulent, qui ont chacun leur biais. Alors moi, j'aurais 2 petites questions qui me titillent un peu. La question de la visibilité. Alors je suis toujours embêtée par... C'est clair qu'il y a quelque chose dans les débats sur la construction du problème musulman par rapport à la visibilité de la religion. Et ça rejoint un peu les questions de racialisation, que je trouve intéressante aussi, l'apparence, etc. Et là, tu utilises un peu le terme de visibilité parfois comme si c'était le terme de représentativité. Et je pense que cette frontière, elle peut être un peu floue dans le cas français, où le problème de la visibilité dans l'espace public, ça peut être vraiment de la visibilité d'un signe religieux, quoi. Pas oui. Juste de la visibilité politique dans l'espace public, tu vois. Donc je ne sais pas trop si il y a eu un débat là-dessus ou c'est juste pour relever cette chose-là. Et ensuite, sur ta dernière remarque sur la comparaison entre normalité et laïcité, le cas britannique, alors moi, il me semble que c'est un peu... C'est très intéressant comment ils essayent de déconstruire un stigmate par rapport... Enfin, ou un stéréotype tout simple qui serait qu'ils votent tous pour les travaillistes. Bon, ça, c'est clair. En revanche, pour la laïcité, je verrais ça un peu autrement. Je ne sais pas si c'est une question de normalisation dans le sens où on les accuse de ne pas être laïcs, donc ils se disent laïcs, ou est-ce que réellement, ils ne pensent pas, et c'est le cas d'ailleurs d'autres personnes qui ne sont pas musulmanes et qui considèrent qu'on a mal compris la laïcité en tant que telle. C'est-à-dire, c'est qu'en fait, c'est un concept comme la République ou comme la nation pour lequel tout le monde doit se prononcer en France, quoi, tout citoyen. Et du coup, c'est pas, pour moi, c'est pas comme une opinion politique, quoi. C'est plus, on est laïque, personne remet en cause la loi de 1905, je crois, enfin, dans les mobilisations, mais il y a une bagarre réelle sur la définition de ce mot. Donc, est-ce que c'est vraiment tout à fait pareil? C'est juste de dire, on le définit ainsi, ben nous, on veut proposer et imposer notre propre définition. Ouais. C'est un peu ce que dirait Jean Bobéro, hein, qui dit tout simplement qu'on a falsifié la laïcité et que du coup... Donc, je sais pas si le... Bon, c'est vraiment juste une remarque... Je ne sais pas si tu veux en prendre d'autres, répondre surtout comme globalement, c'est au moins une. Oui, on peut faire un petit tour dans le temps. En gros, si je voulais résumer un petit peu les enjeux, c'est qu'on était parti sur la question de la mobilisation différenciée, des enjeux de laïcité. On a bien vu en France que c'était quelque chose qui est central, mais ce concept-là, même dans son acception britannique, paraît moins prégnante. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'au Royaume-Uni, la question, c'est pas tant est-ce qu'il y a une bonne séparation, est-ce que le principe de sécularisme est remis en question. C'est pas ça. On voit très bien que qu'au fond, la question de la représentativité, de la présence dans l'espace public, alors à la visibilité, il faut voir, mais l'organisation même des religions, le fait qu'il y ait des accommodements, pour reprendre un concept québécois, c'est ancré dans la culture politique. Après, c'est la question des frontières. Mais on voit bien que c'est central en France, je me trompe peut-être, est complètement secondaire, ce concept-là, dans les débats britanniques. Au fond, ce qui est posé comme question, là, c'est la loyauté des communautés musulmanes, vis-à-vis de la collectivité, tu as parlé de bien commun. Cette question de la loyauté est également posée pour les musulmans en France, mais avec des formes différentes. Et au fond, on est dans deux contextes quand même radicalement différents, avec en Grande-Bretagne une reconnaissance qui est acquise mais erronée, détournée, déformée, et en France une reconnaissance qui est globalement refusée. Hein, si on pouvait vraiment synthétiser. Compresser un petit peu le raisonnement, on pourrait opposer ça. Donc je voulais peut-être t'entendre là-dessus. Autre chose que je voulais dire, c'était c'est qu'au fond, est-ce que ce projet de recherche ne porterait pas d'abord sur la question moins de la tolérance que de la légitimité? Parce qu'au fond, les politiques de la reconnaissance ou les enjeux de reconnaissance, on voit très bien que au final, l'objectif final, c'est que les populations en question accèdent à une forme de légitimité, donc rendre une forme d'indifférence, qu'on arrête d'en parler comme si c'était un problème, une spécificité, etc. C'est un petit peu la finalité. C'est comment faire accéder à la légitimité, comment se développent ces processus de légitimation. On l'a vu pour d'autres minorités, c'était beaucoup plus compliqué. Et aujourd'hui, il y a ce processus de majorisation qu'on a, c'est-à-dire d'accès à la légitimité. Moi, je le définis comme ça. Donc, quel est finalement, sur quoi reposent les blocages, même dans des contextes différents, avec des termes différents, sur quoi repose ce refus de légitimation? Je pense que ça pose des questions. À quoi, toi, tu le rapportes à des enjeux d'identité, d'identité nationale, de maintien de la culture, de crainte d'envahissement démographique, enfin, à quoi c'est articulé, au fond, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de commun qu'on pourrait dégager au-delà des enjeux de laïcité, sécularisme, etc. Ok, je peux répondre à ça maintenant? Je vais le prendre dans l'ordre. Alors, la question, la tension entre visibilité et représentation, moi, je dirais que la visibilité des groupes, c'est un concept qui est beaucoup plus large, en fait, parce qu'il y a la visibilité statistique, rendre visibles les personnes. On parle de visibilité statistique lorsqu'on parle des statistiques ethniques. On dit la diversité, elle devient invisible dans l'appareil statistique. On parle de visibilité médiatique. La question, enfin, notamment en histoire de l'immigration, la question de la visibilité des immigrés dans les médias, c'est une question qui a été beaucoup étudiée parce qu'ils ont été visibilisés selon certains modes, une question sociale, une question économique, puis une question culturelle. La visibilité, c'est aussi, quand vous devenez invisible, c'est que vous ne posez plus de problème. Donc il y a eu la question, je crois qu'à un moment, comment il s'appelle ? Albano Cordero, je crois, qui avait écrit, parlé de la minorité, l'invisibilité des Portugais. Mais derrière, il y avait aussi l'idée, regardez, ils se sont bien intégrés, ils ne posent pas de problème. Donc je pense que le concept de visibilité, il est beaucoup plus étendu. Alors que lorsque je parlais de représentation, j'avais vraiment en tête l'idée de la représentation politique, par laquelle on peut faire référence à la fois au fait que des personnes, donc là on a parlé plus des musulmans, on pourrait dire pour la diversité en général, mais des personnes qui sont identifiées comme musulmanes ont des fonctions électives dans le corps politique, la représentation dans ce terme-là. Et aussi la représentation dans le fait qu'on est dans une mobilisation. La mobilisation, c'est une manière d'arriver à la représentation et de faire au moins... Bon, ça rejoint la question des mouvements sociaux, c'est-à-dire que pourquoi on se mobilise, c'est parce qu'à un moment, on veut faire arriver sur l'agenda politique une question. Donc, soit parce qu'on a un membre de l'association qui devient un député, un élu, soit parce que la question qu'on amène, elle est prise en compte par une politique publique. Bon, la mobilisation, c'est un mouvement pour aller vers la représentation, mais c'est pas juste d'être dans la mobilisation qui donne la représentation pour acquis, parce qu'on peut avoir créé une association dans un coin et puis pas être écouté. Mais en tout cas, moi, je distinguerais visibilité, quelque chose de beaucoup plus grand, représentation, vraiment le lier avec le politique. Et là, lorsque j'en ai parlé, évidemment, on est dans une question compliquée, puisque comme je le disais, ce projet, il a été pensé par des gens qui voient la question de la représentation des groupes comme une question qui se concrétise dans leur contexte politique, dans le cas d'Angleterre, et que c'est pas le cas en France. Donc évidemment, on est un peu dans un jeu comme ça de trouver un équivalent, quoi. Donc, on n'a pas exactement un équivalent dans le contexte français, mais quand même, oui, la représentation, c'est la fonction élective et l'idée que la cause est relayée, quoi, et relayée, c'est bien plus médiatique que politique. Sur la question, entre normalité et laïcité, est-ce que finalement, dans le recours à un registre de la laïcité, les associations ne sont pas dans une question de redéfinition et pas seulement genre, bon ok d'accord, je veux dire laïcité parce qu'apparemment c'est ce qu'on veut que je veux dire. Je vois bien ce que tu dis. Alors ça, effectivement, c'est très intéressant. Notamment au début, quand j'ai travaillé sur ce projet, les concepts, mais comment on va faire pour faire un projet empirique et les concepts. Alors quand j'ai vu qu'en fait, quand on commence à parler de laïcité, les gens se mettent à vous parler de liberté, d'égalité. Je me suis dit, mais c'est en or en fait, parce que les gens se mettent à parler de valeurs alors que c'est pas quelque chose d'habitude évoqué très facilement. Ça, c'est assez fascinant de voir à quel point un discours sur les valeurs tout d'un coup apparaît dans les mobilisations, sur tous les sites des associations dont j'ai parlé. Il y a redéfinition de la laïcité, ça c'est très intéressant. Et c'est vrai que c'est pas juste une question de on va faire comme tout le monde. Et en fait, c'est pour ça que j'ai tendance à dire que c'est ce que j'expliquais quand je disais ok, c'est une manière de se conformer à la structure d'opportunité, mais c'est aussi une manière d'aller plus loin, une manière de négocier une identité. Quand je disais en conclusion. Être musulman en France, c'est savoir se positionner par laïcité. Oui, mais c'est quelque chose qu'on apprend aussi. Enfin, ça suppose de connaître bien cette question-là. Dans mes entretiens, il y a une personne qui portait le voile qui m'a dit, moi, quand j'explique aux gens que je suis laïque, ils me disent, mais non, mais c'est pas possible puisque tu portes un voile. Alors que si, j'ai des convictions laïques, etc. Et ça, évidemment, ça lui est pas venu tout seul. Enfin, on comprend bien que c'est une chose qu'elle a formalisée. Et donc, l'idée, c'est que à travers cette notion, il y a une revendication de citoyenneté, d'égalité et d'être pris à l'égal. Donc oui, moi, je vais plus loin. Enfin, je pense qu'il faut aller effectivement plus loin que juste faisons ça pour être normal. Mais Peut-être que c'est parce que dans normal, il y a aussi la question de la norme. Alors là, je vais y venir à la question de la légitimité. Parce que, effectivement, le registre, enfin, le fait d'utiliser le terme légitimité, moi, c'est effectivement un registre que j'utilise. Parce que je pense que c'est la finalité, finalement, et c'est très appliqué au modèle universaliste français. Parce que bien que tu. Vous l'avez bien dit. Tu l'as bien dit. Voilà, ils ne posent pas de problème. Ils sont pas différents. Donc ça, c'est effectivement l'horizon. C'est ce que j'appelle c'est ce à quoi je faisais référence quand je parlais d'invisibilisation de la différence. C'est effectivement l'horizon vers lequel on tend dans le contexte français. Oudel disait dans mon travail de thèse, moi je travaille sur les politiques culturelles, et puis je me suis aussi interrogée sur les questions d'enseignement de l'histoire de l'immigration. On voit bien que le fonctionnement en France, c'est l'idée que quand l'histoire de l'immigration est enseignée comme une histoire comme les autres, c'est qu'on est arrivé à une acception, à une légitimité. Quand le parcours d'un artiste issu de l'immigration ou quand les apports culturels de l'immigration sont considérés, sont autant financés par le ministère de la Culture que n'importe quelle autre forme artistique, il y a une forme de légitimité. Et ça c'est très caractéristique, effectivement, de cette invisibilisation de la différence, cette notion d'égalité. Et en fait, ce qu'il faut... Alors, évidemment que tout ça a été au centre de ma réflexion, puisque finalement, c'est la réponse française... au défi de la diversité. Mais effectivement, dans le projet, pour certains pays, c'est pas comme ça qu'on arrive à la légitimation et à l'acception. Voilà. Parce que le projet, il était quand même très... Il tournait non seulement autour de la notion de tolérance, mais celle d'acceptance. C'est pour ça qu'il s'appelle Accept. On dirait acceptation en français, en anglais c'est acceptance, et ça fait vraiment référence à cette idée de ce que je disais, X, l'idéal c'est quand X ne désapprouve même pas ce que fait Y, il considère que Y, ce qu'il fait c'est bien, et il l'accepte dans la norme. Et on voit bien que, d'ailleurs je me souviens quand on a défini le concept, il disait l'idéal, quoi, l'acceptance c'est quand la représentation est égale. Et moi je disais non, parce que nous dans le contexte français ça va pas être la représentation est égale, ça va être tu es considéré comme égal et donc tu disparais avec ta spécificité. Donc là on est complètement dans ces tensions idéologiques selon les contextes. Donc moi je suis absolument d'accord sur l'idée que le terme finalement qui regroupe c'est la légitimité, sauf que ce terme c'est l'horizon d'attente propre au contexte français, en fait. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Et alors voir oui voilà, donc c'était ça un peu le tour d'horizon européen, parce que je vous ai beaucoup parlé du contexte britannique. Pour ce qui préoccupe beaucoup les acteurs qui sont sur la Hollande, le Danemark, la Suède, eux, c'est plus ce recours aux valeurs libérales pour justifier l'intolérance. Et donc, ils étaient moins préoccupés de la représentation. Ça, c'est vrai que c'était très fort pour les Britanniques. Eux, ils étaient plus ancrés cette manière de... mais comment on fait pour être aussi préoccupés de principes libéraux et arriver à avoir un discours aussi intolérant, quoi. Donc, où se situe... Donc, c'est... En plus, l'équipe danoise, ils ont beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle le civic turn, c'est-à-dire tous ces examens, un système de points pour avoir les nationalités, la nationalité danoise en particulier, qui faisait passer tout un ensemble de questions aux gens pour voir s'ils avaient bien les valeurs libérales propres à la société danoise. Et cette forme de dire non, mais nous, on n'a pas de spécificité ethnique, on ne vous demande pas de prendre nos pratiques, mais par contre, il faut que vous vous conformiez à un ensemble de valeurs et arriver à un traitement intolérant de certaines populations. Voilà. Sauf que comme eux, ça fait un petit peu plus longtemps que la chose était en pratique. Voilà, c'est ce qui les préoccupait. Et pour revenir sur la question entre France et Grande-Bretagne, la question s'est beaucoup posée lorsqu'on a fait la comparaison. Évidemment, moi, j'avais vraiment l'impression que moi, je regardais une mobilisation. Bon, il se trouve que c'était actif. J'ai eu de la chance pendant le moment où j'ai conduit de la recherche. J'avais quand même l'impression que c'était pas exactement la même chose que le Muslim Council of Britain, quoi. Le motif, c'est quand même énorme. Ça existe depuis longtemps. C'est dans l'ensemble du Royaume-Uni. On parle de relais dans la chambre, dans les membres du Parlement, quoi. On ne peut pas dire que la mobilisation que j'ai regardée avait... Enfin, si, il y avait la sénatrice Esther Benbassa au meeting. Mais bon, c'est parce qu'elle était familière de ces luttes-là. Mais j'avais vraiment pas l'impression que je regardais quelque chose de comparable en termes de proportion. Et pourtant, bon, en discutant avec mes collègues, ils me disaient « Oui, mais en fait, tu mesures pas forcément le poids du virage, en fait, idéologique qui a lieu depuis quelques années en Grande-Bretagne, qui est de se recentrer autour de valeurs communes, l'idée de Britishness. Donc apparemment, ils ont un ministre de l'Éducation qui s'appelle... Michael Gove, qui est historien de formation, mais surtout journaliste assez médiatique, qui est pour un retour sur une histoire britannique qui soit beaucoup plus positive. Alors l'idée, c'est de créer une identité positive. Alors par positive, on dit surtout pas commencer à encore se lamenter sur l'histoire coloniale de la Grande-Bretagne. Pourquoi apprendre ça ? Enfin, ça, on n'est pas très loin de l'idée de la repentance qu'on a aussi en France. Et en fait, un peu avec l'idée de me dire, mais tu sais, il y a quand même vraiment une menace finalement de... Mais bon, je suis assez d'accord, je dois dire que je trouve que dans les moyens qu'ils ont d'être représentés, c'est quand même pas les mêmes proportions. Mais bon, ce serait peut-être d'aller trop vite que de considérer que bon, tout va bien pour eux, quoi. Il faut quand même bien voir ils ont quand même aussi des vents adverses avec lesquels ils doivent composer. Voilà. Merci. Je trouve que le thème de la laïcité en France, que c'est quand même une spécificité assez française d'utiliser tout un registre de la laïcité pour discriminer ou pour stigmatiser ou l'inverse, comme vous le disiez. Et en fait, j'ai plusieurs remarques par rapport à certains peut-être postulats qui avaient été faits ou analogies que je trouve pas toujours, sur lesquelles je m'interroge. Ça va être plus simple. Sur la question de la tolérance, alors c'est un terme qui quand même est connoté philosophiquement. Hein, Voltaire disait déjà qu'il n'y avait rien de pire que d'être toléré, parce que ça signifie qu'il y a un qui tolère et un autre qui est toléré, un tolérant et un toléré. Donc il y a forcément une situation de domination. Et on part aussi du principe que X est différent de Y. C'est pas exprime. Ça veut dire que déjà, Y, c'est un acteur, c'est un autre. Et donc, cette question est particulière. Vous parliez tout à l'heure de minorité au sens numérique, mais il faut faire parler les chiffres, comme disait Desrosières. C'est numérique, enfin, minoritaire par rapport à quoi ? C'est une minorité, vous disiez, parce que c'est pas la religion qui est la plus pratiquée en France, mais à ce titre-là, ils sont quand même plus nombreux, par exemple, que les protestants ou que les évangélistes. Est-ce qu'on peut parler de minorité quand on parle des protestants ? Est-ce qu'on peut parler de minorité quand on parle des évangélistes ? Et ensuite, vous disiez minorité par rapport à la représentation politique. Alors, c'est aussi une question que je me pose. Enfin, j'ai cru comprendre que vous assimiliez un comportement électoral à la notion de représentativité, comme une sorte d'homologie. Quand on est... Alors, vous parliez du Labour, par exemple, et vous disiez que les musulmans étaient historiquement plus prompts à voter pour le Labour parce que le Labour avait plus de députés de confession musulmane. Donc ça signifie que lorsque l'on est musulman, on vote pour un député parce qu'il est de confession musulmane, ce qui me semble être la première erreur. Une autre chose, en France, concernant le vote des musulmans, alors il y a des Français musulmans, et ces Français musulmans sont bien d'autres choses que des musulmans. Ce sont aussi bien souvent des salariés, des employés, ils ont des caractéristiques sociologiques qui peuvent influencer leur comportement électoral d'une façon bien plus importante finalement que leur confession. Également, des fois, quand vous abordiez la question de la laïcité, j'avais du mal à savoir si vous vous positionnez sur la définition stricto sensu juridique. Et dans ces cas-là, vous parliez de la neutralité par l'invisibilité. Juridiquement, c'est pas du tout le cas. Juridiquement, quand le premier article de la loi de 1905, quand on dit que la République garantit la liberté de culte, la liberté religieuse, c'est la liberté de conscience et la liberté de culte. Parce que quelque part, vous pouvez penser ce que vous voulez, parce qu'il n'y a pas de police de la pensée, concrètement. C'est la visibilité, le culturel, c'est à partir du moment où ça se visibilise que ça cause problème. Donc la loi de 1905 garantit l'expression collective et publique de la religion, et pas l'invisibilité. Par contre, je suis d'accord sur le fait qu'il y a parfois des acceptions, des utilisations philosophiques ou stratégiques, où on va dire que la laïcité, c'est l'invisibilité, mais juridique. Enfin, peut-être que c'est moi qui l'ai mal compris, hein. Juridiquement, ça ne me semble pas vraiment se tenir. Et sur la question également de créer une identité politique, quand vous parlez notamment des associations qui utilisent le registre de la laïcité. Alors, je n'ai pas vraiment compris ce que vous vouliez dire par négociation de l'identité musulmane avec la laïcité. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est quoi l'identité musulmane ? Pourquoi est-ce qu'il négocie ? Avec qui ? D'accord. Je réponds à ces questions. Non, on prend une autre plus. D'accord. Sinon, on répond et puis ça va revenir. Ok. Alors, oui, l'idée que la tolérance, c'est pas une. Tolérer, ça dénote tout de suite un rapport inégal. Bah, c'est un peu ce que j'essayais d'expliquer au début aussi en disant que. Quand la Commission européenne est sortie avec son appel à la tolérance, son appel à projet, pas son appel à la tolérance. Je pense qu'ils étaient un peu catastrophés, quoi. Ils se disaient, non, on ne va pas commencer à recommencer avec ça. Parce qu'effectivement, il y a toute une histoire de... Je crois qu'il y a même eu des mouvements anti-tolérance, quoi. Non, je ne veux pas être tolérée, non... voilà. Donc évidemment, c'était un peu le problème. Mais c'est pour ça qu'ils ont décidé de dire, bon, tant pis, ça grippe à ce projet, à ce concept. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'il fallait aussi réfléchir sur la frontière qu'on délimite entre quelque chose qu'on tolère, quelque chose qu'on ne tolère pas. Et d'ailleurs, dans le cas de ce que je disais au Danemark, là, quand ils ont analysé la présence, la venue de ce prêcheur, l'idée, c'était aussi, lui, il aurait un discours intolérant. Donc, celui qui est identifié comme l'autre peut aussi lui avoir un discours intolérant. Il fallait voir que c'était dans tous les sens. Mais après, on peut aussi se dire qu'on prend la chose à bras-le-corps. Et on dit oui, il y a des rapports de pouvoir. Et oui, quand on passe une loi pour interdire le port du voile à l'école, bah c'est parce qu'aussi on sait que c'est pas, il y a pas 99% des personnes qui sont concernées par ça. Et donc, on va pas se casser la figure aux prochaines élections, puisque de toute façon, ça concerne qu'un petit nombre de personnes. Donc oui, ce rapport de pouvoir, il existe quand même. Et donc j'en viens à la question de la minorité. Alors c'est évidemment une question qui est un peu problématique dans le contexte français, parce qu'on ne reconnaît pas les minorités. Donc évidemment, répondre à un projet de recherche qui est fondé sur la question de minorité, c'est un peu compliqué. Et alors par contre, la petite... aparté sur le contexte français quand même, c'est que, ça c'est un article de Daniel Lochac des années 90, qui explique que la notion de minorité existe en français que pour les minorités religieuses, et donc la minorité protestante est considérée comme une minorité protestante, et la minorité juive aussi. Alors je sais plus si elle se fonde sur le concordat, auquel cas du coup il n'y aurait pas la minorité musulmane, mais donc oui, c'est le cas, et on peut utiliser le terme minorité lorsque on fait référence à la religion. Et là, j'essaie de me souvenir bien ce que vous posiez comme question sur ça. Mais du coup, bon, j'espère que ça répond. Et pour la question de... Peut-être que je suis allée un petit peu vite sur la question de la représentation. Ce à quoi vous faites référence, c'est l'idée de la représentation reflet. C'est-à-dire que parce qu'on est d'un groupe, on va voter pour quelqu'un. Alors effectivement, ce n'est pas une question du tout, qui est du tout résolue. C'est au cœur de ce qu'on appelle les politiques identitaires. Il y a deux dynamiques. C'est-à-dire qu'il y a la conviction qui peut guider certains mouvements, certains comportements électoraux, effectivement, de dire « cette personne fait partie de ma communauté, donc si je l'élis, elle va plus défendre mes intérêts ». Quelle que soit la communauté que j'identifie. Alors, on peut parler d'une communauté ethnique, d'une communauté religieuse. Alors, évidemment, ça, c'est pas à prendre pour acquis, parce qu'on peut très bien... c'est la question des femmes en politique. On peut très bien élire une femme en politique, puis elle va pas défendre les intérêts des femmes. Parce que... c'est pas aussi simple, quoi. Donc, évidemment, ce mandat qu'on donne à un représentant, on peut pas, effectivement, le prendre pour acquis qu'une personne qui appartient à un groupe identifié va nécessairement défendre l'intérêt de ce groupe. Et néanmoins, c'est pas ce à quoi je voulais faire référence. C'est vrai que j'ai peut-être un peu parlé vite lorsque j'ai parlé de vote musulman et lorsque j'ai parlé de représentant musulman. Enfin, dans ma tête, c'était deux choses différentes. Il y a d'une part le fait que la socialisation des musulmans en politique dans le Labour Party a fait qu'ils ont été plus présents dans le Labour Party en tant que militants, candidats, élus. Donc c'est ce qui explique qu'actuellement, à la Chambre des députés en Angleterre, il y a plus de représentants du Labour qui sont musulmans que de représentants de conservateurs qui sont musulmans, mais qui en est, mais il y en a numériquement. Hein. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que le Labour a fait davantage de place dans son discours politique à la représentation des minorités. Et pour cette raison, il a été étudié, parce que c'est tout simplement c'est étudié, enfin, les résultats des élections. Maintenant, il y a la catégorie religieuse qui apparaît, et qu'il y avait une proportion plus importante de musulmans qui votaient pour le Labour Party. Ça, c'est une question de comportement de vote, et l'autre, c'est une question de sociabilité politique. Et vous avez raison, c'est deux choses différentes. Et je voulais. Alors, ça peut se retrouver, mais ce n'est pas obligatoire. Justement, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que parce que les ethnic politics, ça n'existe pas en France. Mais il y a quand même des sondages. Hein. C'est très limité, mais les sondages du Cevipof sur le vote musulman qui existent, hein, qui ont voté massivement. Alors méthodologiquement, ça pose énormément de problèmes. À la fois l'échantillonnage, le questionnement, le questionnaire. Donc c'est pas le lieu là, mais c'est vrai que c'est autour de 1000 personnes quoi qui sont identifiées comme telles. Et la question est, enfin, la question pour la prolonger, c'est certes, statistiquement, au Royaume-Uni, on peut vérifier, parce qu'on a l'information sur l'identité religieuse d'une personne, comment se ventile le vote en fonction des appartenances, sans pouvoir démontrer que ce marqueur religieux a été surdéterminant dans le vote. Il y a la question sociale qui rentre en compte de manière très importante, et ce qu'on appelle aujourd'hui les musulmans, qu'on appelait hier les immigrés ou enfants d'immigrés, votaient déjà massivement, en tout cas par rapport aux éléments qu'on avait à gauche. Donc je pense qu'on peut aller. Et on disait que c'était un vote immigré. Bon, aujourd'hui c'est un vote musulman, demain ça sera un vote, je ne sais pas, mais c'est jamais un vote socio-économique ou sociopolitique ou basé sur ce type de d'interprétation. Donc là, c'est vrai qu'il y a un risque d'aller très vite dans la lecture qui peut être faite de ça. Oui, puis de toute façon, c'est une question dans les politiques identitaires qui a été aussi très, très étudiée aux États-Unis, par exemple. C'est surtout valable à un niveau local, en fait. Parce qu'il y a eu une certaine période où dans les... on avait une mobilisation. Je pense à la mobilisation des Américains mexicains, les Chicanos, à Los Angeles ou à San Francisco. Et le résultat, c'est d'avoir un membre de l'association dans le conseil municipal. Mais est-ce qu'après, il défendait les intérêts des Chicanos parce qu'il venait de cette association-là, mais c'est pas parce qu'il était mexicain, c'est parce qu'il avait milité dans ce groupe-là. De toute façon, la question de la représentation reflet, j'ai déjà suffisamment développé la question, parce que j'avais fait une étude sur les fameux élus de la diversité, là. C'est pas parce qu'on est élu de la diversité que nécessairement... Et en même temps, il faut bien voir que dans le calcul politique, quand on met un membre... de la diversité dans une liste, c'est que aussi on pense qu'il va y avoir éventuellement un vote qui va se diriger vers cette personne, mais rien n'est, enfin, ça demeure à prouver. Et justement, on parlait des études du Cevipof, je sais qu'à un moment ils avaient fait une étude, c'était l'idée que est-ce que même les gens n'auraient pas un capital plus sympathie avec l'idée qu'ils allaient mieux les représenter parce qu'ils seraient issus de la diversité. Donc je me souviens qu'ils avaient essayé de vendre cette étude à la fondation Jean Jaurès, donc ils avaient créé des candidats entre, il y avait Yacine et puis Georges, et ils essaient de montrer que les gens, en fait, ils ont plus envie de voter pour Yacine parce qu'ils se disent, ben, il doit être plus issu d'un milieu social défavorisé, il va plus nous représenter. Donc l'idée, c'était un peu en se disant, si on vend ça à la Fondation Jean Jaurès, ils vont peut-être faire avancer leurs élus qui, par ailleurs, sont un peu victimes de discrimination à l'intérieur du parti, quoi. Bon, c'était en 2004, j'ai pas l'impression que c'est beaucoup marché, mais bon. Donc cette question, c'est une vaste question, savoir pour qui on vote. Et comme tu l'as rappelé d'ailleurs, il y a plein de raisons, effectivement, d'alignement du vote. C'est d'ailleurs ce qu'essaye de dire le Muslim Council for Britain. C'est mais dans les musulmans, il y a des gens qui sont des cadres supérieurs, il y a des gens qui ont des intérêts différents. Alors, il y avait quand même, puis surtout là, le grand pivot, c'était le fait que quand même, pour le Labour, c'était la grande désaffection, c'était quand même que Tony Blair a encouragé la guerre, s'est allié avec les États-Unis pour la guerre en Irak et en Afghanistan. Et ça, quand même, ça demeurait un pivot. Et c'était l'idée que c'était quand même une guerre qui était contre des populations musulmanes. Et donc, ça aurait engendré une désaffection de ce groupe pour le Labour. Mais ça... Franchement, j'ai l'impression que ça reste quand même un petit peu à prouver. Enfin, c'était un peu les analyses qui étaient censées ressortir au moment de... voilà, vers 2006. Il y avait d'autres questions. Alors, sur la question de l'invisibilisation... oui, on peut, évidemment, on a bien vu, les évêques, les prêtres peuvent s'exprimer dans l'espace public. Donc, ce n'est pas tout à fait à ça que je voulais faire référence quand je parlais d'invisibilisation. Bon, le cas classique, je pense qu'on pourrait dire, c'est le coup de l'interdiction du port du voile à l'école. Oui, mais c'est une invisibilisation différentielle. On sait très bien que cette invisibilisation est dirigée contre une partie de la population. Ah oui, mais c'est pas ce que dit la loi. Ah ben non, sinon, dans la pratique, tu peux dire que quand on vient avec une croix, mais c'est pas ce que dit la loi, elle dit invisibilité des ports religieux. Non. Et c'est ce que contestent les acteurs. Évidemment, les acteurs disent, non mais, ostensible, j'ai dit quoi? Ostentatoire. Oui, c'est l'idée que c'est ostensible, oui. Donc c'est la dimension, en fait. Oui, c'est la dimension. En fait, c'est l'argument du prosélytisme. C'est l'idée que on veut convaincre les autres. Parce que c'est juste ça qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est qu'on veuille convaincre les autres. Est-ce qu'on atteint leur liberté de conscience? Sinon, c'est pas évidemment d'avoir. C'est pour ça qu'il y a ostensible. Des femmes voilées, c'est non seulement parce qu'on peut protéger les autres d'une éventuelle contamination, mais c'est parce qu'elles-mêmes, sans le savoir, elles auraient un terme de résine de domination. Mais ça, c'est pas dans la loi. Éventuellement, mais c'est dans les débats parlementaires. Ah oui, c'est dans les idées, mais c'est pas dans la loi. Je veux dire, quand on étudie ne serait-ce que les comptes rendus des différents débats parlementaires pour la loi de 2004, mais pour la loi de 2011 concernant la burqa, qui n'est pas fondée sur la laïcité. C'est ça. Parce que justement, ça marchait pas. Bah oui, voilà. Donc c'est quand même bien là qu'on voit que la laïcité n'est pas l'ennemi du voile. Mais donc c'est plutôt à ce contexte-là que je pensais. Et c'était l'idée que, évidemment, après, les acteurs peuvent le contester et dire « Non, mais dans l'école française, on trouve qu'il y a des signes religieux du catholicisme qui sont visibles. » Évidemment, c'est d'ailleurs... Et là, on parle de laïcité à deux vitesses. Mais ça, c'est l'observation. Mais dans les textes, l'idée, c'est que ni la conviction catholique musulmane ne doit s'exprimer. Donc c'était plus ce principe d'invisibilisation que je voulais mettre en avant... Parce que, par opposition, bah, par exemple, dans une école irlandaise, on peut... donc c'est lié à la question de l'uniforme. On peut porter le voile parce qu'on peut aussi avoir un signe religieux catholique. Et l'idée, c'est que tout cela est à égalité, quoi. Et donc, c'est égalité dans la visibilité. Et là, le dernier point soulevé, c'était... le registre de la laïcité. En fait, ce que je voulais surtout dire, c'était l'idée de la discrimination qui peut engendrer une conscientisation. Je ne voulais pas dire forcément que c'est le fait de se retrouver dans la laïcité qui fait qu'on va créer une identité politique. Ce que je voulais dire, c'est... L'idée, c'est de faire appel... parce que, bon... comme tu l'as dit, ça ne représente évidemment pas la majorité, les personnes qui se reconnaissent d'identité musulmane, mais si on prend... Qui s'identifie comme musulmane, pardon. Ça ne représente pas la majorité. Mais par contre, si on touche la discrimination... Enfin, par exemple, moi, j'ai fait des entretiens dans une autre enquête différente, des secondes générations d'immigration, où quelqu'un m'a dit... non, mais moi, je m'appelle Mohamed, et donc, du coup... Non, c'est pas Mohamed, son prénom. Je ne sais plus ce qu'il était son nom. Et donc, du coup, même si je ne suis pas musulman, bah, quand même, si je ne me reconnais pas, enfin, si je ne pratique pas, bah, quand même, je suis victime d'une discrimination anti-musulman. C'est à ça que je veux faire référence. Ils sont identifiés comme musulmans, qu'ils le soient ou pas, mais parce qu'il y a un marqueur... Alors, ça recoupe... Les musulmans d'apparence. C'est les musulmans d'apparence. En fait, c'est l'idée... Et ça rejoint, évidemment, une question qui se pose dans ce séminaire, de la construction raciale de l'islam. C'est-à-dire que la religion est un marqueur ethnique et pas du tout juste une question religieuse, évidemment. Et c'est, ça, c'est là que la discrimination devient un pivot intéressant, parce qu'on rentre dans le domaine de l'apparence, enfin, tout est permis. La question de savoir si tu crois ou tu ne crois pas, personne ne se la pose. Ce qui est important, c'est que dans ton apparence, tu sembles pouvoir y correspondre. Et en fait, bon, et c'est là que je pense qu'il peut y avoir l'idée de la conscientisation, ça a été théorisé depuis très longtemps, on la retrouve dans les civil rights movements, c'est surtout Dubois, W.E.B. Du Bois, là, qui l'avait théorisé, bon, ça remonte à 1900, hein, mais voilà, c'est l'idée de comment l'autre me voit, me pousse à me mobiliser. Et donc c'était plus à ça que je voulais faire référence que, évidemment, une conviction religieuse, quoi. Et donc c'est pour ça que dans discrimination, on peut y avoir pivot sur mobilisation à terme. Bon, c'était un peu pour donner une touche intimiste. Quelle question ? Oui, je ne sais pas si c'est une question, c'est une remarque. Disons, je ne sais pas si je suis dans la même problématique que vous. Moi, je dirais très clairement que laïcité et problème de la visibilité, au départ, ça n'a rien à voir. Si la laïcité est utilisée aujourd'hui pour caractériser, pour mettre en scène une question musulmane, c'est assez récent, en fait. Oui. Mm-hmm. Je ne sais pas si on est d'accord là-dessus, parce que historiquement, c'est pas du tout ça. Historiquement, c'est qu'est-ce qui fonde le pouvoir politique, le pouvoir public. Ce n'est pas la religion. Et donc, le combat laïque a été d'abord en France un combat contre la religion catholique. Et l'Église. Et l'Église, surtout l'Église, oui, c'était surtout le pouvoir de l'Église catholique, et y compris à déboucher même sur un combat contre toute religion, la sa version la plus harde, hein, et que Bobéro justement critique en disant non, il est normal que la religion ait un droit d'expression dans la société, c'est tout à fait normal. Hein, et bon, alors je suis plutôt d'accord avec cette vision-là. Bon. Alors après, ce qu'il faudrait comprendre, essayer de comprendre, c'est pourquoi, depuis quelque temps, il y a la construction d'un problème musulman à partir de ce mot laïcité. Bon, comment ça s'articule ? Parce qu'il est très difficile de se dire raciste en France. Très difficile. Personne ne peut se dire raciste, c'est impossible. Bon. Mais pourtant, c'est ça qui est le fond de la question, c'est-à-dire c'est une euphémisation d'un discours raciste qui ne peut pas se prétendre être tel, je crois. Bon. Et et avec une derrière ça, la construction mythique de l'identité nationale française, qui est reconstruite, qui tend à être reconstruite, pour essayer de stigmatiser des populations et construire un pouvoir fort à partir de là. Enfin, moi, c'est comme ça que je sens la question. Maintenant, le processus qui permet de détourner un discours raciste par la religion musulmane est un processus qu'il faut vraiment étudier dans le détail, parce qu'il est effectivement un peu complexe à mesurer, à identifier clairement, etc. Bon, je ne sais pas si... Dans vos affirmations du départ de la laïcité, il y avait un peu l'idée laïcité égale construction du problème musulman. Bon. C'est quand même un petit peu... Non. est un pivot pour comprendre la construction du problème musulman. Je ne sais pas, c'est égal. Récemment, oui. Alors... Pour revenir sur... Alors, moi, je trouve que c'est une question qui est très intéressante. C'est l'idée que la laïcité, elle a d'abord été construite pour répondre à... C'était une question de rapport de pouvoir. Hein. C'était pour contrer le pouvoir de l'Église catholique en France, évidemment. Donc, comme je le disais, c'est vraiment essentiellement à partir de 1989, pour répondre à la première affaire du voile, qu'on commence à lier la question de laïcité à la question... Qui, à mon avis, d'ailleurs, est un moment essentiel et sans doute fait une spécificité française de ce point de vue-là, c'est qu'à ce moment-là, des associations liées à la laïcité, comme la Ligue des droits de l'homme, se mobilisent, ce qui fait que ces associations se retrouvent encore aujourd'hui mobilisées sur une question sur laquelle elles ne se retrouveraient peut-être pas mobilisées, c'est-à-dire la question de la discrimination contre les musulmans, s'il n'y avait pas eu cette première manière d'envisager le problème. Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est ça qui fait la force de la laïcité, aussi dans son usage, donc là je distingue la catégorie de son usage, c'est que justement elle soit associée à cette longue histoire. Et là, je vous renvoie aux travaux qui ont été réalisés par, je crois que c'est Michla et Michel Barthélémy au CVPOF, qui ont étudié les comportements, les opinions politiques. Et normalement, la laïcité, c'était une valeur de gauche. Donc elle était partagée par les personnes de gauche. Et là, la grande force de l'utilisation du registre de la laïcité, et surtout par un gouvernement de droite, a été de faire en montrant clairement que avec la laïcité, on touchait l'islam, on a aussi acquis à la cause des personnes qui avaient plutôt des sentiments anti-immigrés. Donc là, il le montre bien parce qu'il montre que jusque dans les années 90, les personnes qui se disaient attachées à la laïcité étaient des personnes qui étaient plutôt bien... je pense que la question qu'il doit avoir, c'était plutôt bien disposées vis-à-vis des immigrés. Puis on voit la part de personnes qui sont pas bien disposées vis-à-vis des immigrés qui tout d'un coup grandit parmi les personnes qui ont une certaine acceptation de la laïcité. Donc on voit bien que la laïcité commence à regrouper des gens à droite, mais elle continue toujours à regrouper des gens à gauche. C'est ça sa force, et c'est ça qui fait que c'est difficile aussi de s'en dépêtrer. C'est que, à partir du moment où on a utilisé cette valeur pour stigmatiser un groupe, il est compliqué de dire à des gens qui, par ailleurs, se pensent comme acceptant la différence, de leur dire « Ah bah oui, mais là, vous trouvez un petit peu piégé. » Donc ça, c'est la force de la laïcité, ça c'est certain, c'est d'être passé de l'Église catholique à musulmane, parce qu'en fait, on touche comme ça les gens qui sont contre l'Église catholique. Et pour ce qui est de l'articulation entre valeurs et racisme, alors ça, c'est évidemment une des choses qui a une des questions qui arrivent en conclusion de cette recherche. Et bon, d'une manière assez schématique, donc je disais le père Moritzen, celui qui a fait le chapitre sur la tolérance illibérale, lui, il va même assez loin et dit, voilà, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le racisme était fondé sur une acception biologique. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, on s'est quand même vu que c'était un petit peu jeu. Donc on a évacué cette manière de fonder le racisme. Mais là, a pris beaucoup plus d'ampleur la question culturelle. Ils sont culturels, c'est culturel, ils sont différents. C'est une culturelle très, très irréductible. Enfin, c'était toujours articulé en termes culturels. Et l'idée, ce serait de dire, maintenant, on arrive dans une ère où c'est les valeurs libérales qui servent de code pour distinguer de l'autre. N'adhèrent pas à nos valeurs. Alors, c'est pas culturel, c'est juste qu'ils comprennent pas l'égalité entre hommes et femmes. Enfin, donc, il y a une construction du racisme à partir des valeurs libérales. Donc, on est passé de race à culture à valeurs libérales. C'est un peu schématique, mais je trouve que c'est assez... Ça permet... Racialisation. Disons qu'il y a une racialisation de l'autre en s'appuyant sur des valeurs libérales. Voilà, mais ça aussi, c'est stratégique, même le fait de s'appuyer sur des valeurs libérales. Oui, c'est stratégique, mais ce n'était pas le même genre de stratégie qu'on a adopté il y a 10 ou 20 ans. Quoi. C'est une construction, absolument. Ouais. C'est dommage pour les valeurs libérales. Je ne suis pas certaine que depuis l'application de la loi 1905, à mon avis, le problème musulman s'est déjà posé à ce moment-là, puisque la loi 1905 n'a pas été appliquée en Algérie, sous prétexte, entre autres, que les musulmans ne peuvent pas vivre sur la société. C'est sûr. C'est une des recommandations des juristes de l'époque. D'autant plus que, même sous la loi de 1905, l'État français a quand même créé un code juridique musulman, qui ne correspondait pas à la réalité de l'islam sociologique, donc qui a été repris par l'État indépendant algérien, donc pour voir que finalement il y a un continuum qui serait, à mon avis, l'utilisation par les politiques de la loi de 1905 pour à la fois exclure, en 1905, c'était juste l'exclusion des musulmans, certains qui ne demanderaient pas la citoyenneté française. Étant donné que pour devenir français, il fallait renoncer à son statut musulman, donc finalement la majorité ne l'a pas réclamé. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est le continuum de ça, c'est-à-dire il faut prouver que vous êtes des vrais laïcs pour être citoyen français. Donc finalement, j'ai l'impression que la loi 1905 et la problématique. L'islam et les musulmans s'est posé dès le départ. Oui, je pense que vous avez raison. Oui, vous faites référence, je pense, aux travaux de Raber Hachi, moi, qui a montré que, effectivement, que le... Bon, mais ça, c'est valable pour bien des choses, l'idée de l'absence de continuité républicaine. Hein, c'est-à-dire que l'Algérie, c'était le débarquement de la France. Oui, oui, fin, sauf que tout n'y était pas, ne fonctionnait pas de la même manière. Et surtout pas, évidemment, le statut des sujets coloniaux. Effectivement, alors évidemment, là, j'en ai pas trop parlé. Pourtant, j'ai pas... C'est parce que c'est le résultat du projet, mais j'ai fait un peu... j'ai pas fait honneur à ma formation d'historienne, parce que je suis quand même censée travailler sur le temps long. Et bon, je pense que sur la... Je sais pas si vous en avez parlé, là, le livre de l'historienne américaine qui vient de sortir, qui s'appelle Only Muslims, de Naomi Davidson, qui étudie la construction d'un problème, on va dire un problème musulman, parce que c'est comme ça que vous le formiez dans ce séminaire, dès la construction de la mosquée de Paris. Et son idée, c'est de, évidemment de montrer qu'il y a une construction raciale de l'islam. C'est, la question n'est pas tellement la question religieuse. Là, la question est de, donc vous le dites très bien, le statut des coloniaux lié au code religieux, enfin oui, à leur statut de musulman, c'est évidemment pour les exclure de la nationalité française, et c'est pas une question religieuse, puisque de se convertir au catholicisme ne leur permettrait pas de devenir français, ça c'est Patrick Veil qui l'a bien montré. Donc évidemment que la barrière à ce moment-là n'était pas du tout religieuse, il ne suffisait pas de changer de religion pour obtenir la nationalité. Donc oui, la construction de l'islam comme autre, dans le contexte français, elle trouve pas ses racines dans l'affaire du vol de 89, hein, évidemment. C'est vrai que, bon, je l'ai pas trop dit, mais je pense qu'évidemment, ça prend ses racines, mais aussi dans l'arrivée des coloniaux en métropole dans les années 50. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Et cependant, donc, je pense que vous avez raison de dire qu'en 1905, la question de l'islam se posait déjà. En même temps, elle se posait en Algérie, elle se posait pas en France. Mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas minorer qu'à ce moment-là, le rapport de force, c'était l'Église catholique. Enfin, vous avez raison, je pense qu'il faut apporter cette information. Et en même temps, je pense que le rapport de force qu'on avait en tête, à ce moment-là, c'était surtout le rapport de force avec l'Église catholique. Mais c'est tout à fait bonne analyse. Ça m'a fait réfléchir sur votre exposé sur le rôle de la construction européenne, enfin, sur la place de la construction européenne dans le problème, certes. Mm-hmm. Comment est-ce que la communauté européenne réagit face à ces questions? Et alors, ça m'a fait penser, il y a quelques semaines, j'ai entendu Jean-François Bayard sur l'islam républicain. Ça s'appelait un islam républicain, est-il possible? Et il nous invite à une conférence là-dessus, et puis il se met à parler de l'Iran, de la Turquie et du Sénégal. Et ça a un effet de vertigineux, quoi, de déconstruction. C'était vraiment très fort comme méthode. Et du coup, mais là, du coup, c'était clair que dans cet exposé, c'était bien la question de la religion qui était posée. Et de la place de la religion dans la... Dans mon exposé ou dans son exposé? Dans son exposé. D'accord. Et ce qui est frappant dans votre exposé, c'est aussi que régulièrement, vous dites que vous rabattez sur un problème racial. Mm-hmm. Et c'est vrai que, quelque part, on a l'impression que est-ce que, quelque part, ce problème d'islamophobie, il n'a pas aussi... C'est pas aussi le symptôme de la construction européenne qui ne sait pas penser autrement qu'en termes racial. Peut-être aussi parce qu'on n'arrive pas à penser ces questions hautement théologiques entre Européens, et que finalement, à l'échelle européenne, on n'arrive pas à gérer ça. Mmh. D'où le mot tolérance. Oui, alors, il y a plein de choses que vous avez racontées sur d'anecdotes qu'on pourrait essayer de relire comme ça dans le contexte actuel de la construction européenne. Ce que dit Emmanuel Todd sur le fait que la construction européenne, ça ne marchera jamais parce que c'est des gens trop différents. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans le projet européen, notamment le motto... Le mot d'ordre, c'est « unis dans la diversité ». Mais évidemment que la diversité telle qu'elle était comprise dans la construction de l'Union européenne, c'est la diversité des différents pays. Mais c'est ça aussi le défi, quoi. C'est-à-dire que l'Union européenne est fondée sur cette idée de diversité, genre diversité entre les Français, les Allemands, enfin entre France et Allemagne. Et je pense que c'est pour ça qu'il se pose cette question. Ah oui, mais en fait, la diversité, c'est pas juste la diversité entre les pays, quoi. C'est à l'intérieur des pays, il y a des choses qui se passent. Et je pense qu'ils sont un peu confrontés à cette question. Et en fait, ils n'ont pas vraiment les outils. Parce que tous les outils idéologiques qui ont été construits sont autour des différences nationales et pas des différences ethniques et des groupes et surtout de ces connexions. Parce que l'idée aussi, c'est que c'est transnational. C'est que cette question de la discrimination envers les musulmans. Elle ne concerne pas que les musulmans en France, évidemment. Et donc, il y a effectivement la volonté de répondre, de formaliser ces outils. Tout en étant, il y a toujours un peu... Je suis plus enregistrée. Parce qu'il y a quand même un peu un... Il faut attendre que j'éteigne. Mais là...